Chapitre 34 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. Essai par Michel Ecaim de Montaigne. Livre 1. Chapitre 34 d'un défaut de nos polices. Feu mon père, homme, pour n'être aidé que de l'expérience et du naturel, d'un jugement bien net, m'a dit autrefois qu'il avait désiré mettre en train qu'il y eût S-ville, certains lieux désignés, auxquels ceux qui auraient besoin de quelque chose se pussent rendre, et faire enregistrer leur affaire à un officier établi pour cet effet. Comme, je cherche à vendre des perles, je cherche des perles à vendre, tel veut compagnie pour aller à Paris, tel s'enquiert d'un serviteur de telle qualité, tel d'un maître, tel demande un ouvrier, qui ceci, qui cela, chacun selon son besoin. Et semble que ce moyen de nous entravertir apporterait non légère commodité au commerce public. Car à tout coup, il y a des conditions qui s'entrecherchent, et pour ne s'entre-entendre, laissent les hommes en extrême nécessité. J'entends, avec une grande honte de notre siècle, qu'à notre vue, deux très excellents personnages en savoir sont morts en état de n'avoir pas leur sou à manger. Lilius Gregorius Giraldus, en Italie, et Sebastianus Castalio, en Allemagne. Et crois qu'il y a 1000 hommes qui les eussent appelés avec très avantageuses conditions, ou secourus où ils étaient, s'ils l'eussent su. Le monde n'est pas si généralement corrompu que je ne sache tel homme qui souhaiterait, de bien grande affection, que les moyens que les siens lui ont mis en main se pussent employer, tant qu'il plaira à la fortune qu'il en jouisse, à mettre à l'abri de la nécessité les personnages rares et remarquables en quelque espèce de valeur, que le malheur combat quelquefois jusque à l'extrémité, et qu'il les mettrait, pour le moins, en tel état qu'il ne tiendrait qu'à faute de bons discours s'il n'était content. En la police économique, mon père avait cet ordre, que je sais louer, mais nullement en suivre, c'est qu'outre le registre des négoces du ménage, où se logent les menus comptes, paiements, marchés, qui ne requièrent la main du notaire, lequel registre un receveur a en charge. Il ordonnait à celui de ses gens qui lui servait à écrire un papier journal à insérer toutes les survenances de quelques remarques et, jour par jour, les mémoires de l'histoire de sa maison. Très plaisant à voir quand le temps commence à en effacer la souvenance et très à propos pour nous ôter souvent de peine. Quand fut entamée telle besogne? Quand achevée? Quels trains y ont passé? Combien arrêtés? Nos voyages, nos absences, mariages, morts, la réception des heureuses ou malencontreuses nouvelles, changement des serviteurs principaux, telle matière. Usage ancien que je trouve bon à rafraîchir, chacun sa chacunière, et me trouve un sot d'y avoir failli. Fin du chapitre 34.